Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres juniors 2A de Robertval. Impliqués dans tous les projets porteurs de la MRC, les 80 employés et 16 dirigeants vous invitent à vivre l'expérience membre Desjardins dans l'une ou l'autre de ces 8 places d'affaires. Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook et participez à nos nombreuses promotions. Bon succès aux Sabres juniors 2A de Robertval. Les Sabres de Robertval avec Jason Dagenais et avec seulement qu'un seul match en fin de semaine pour sa troupe. Salut Jason! Jason, salut, défaite de 7 à 3 contre les Saguenay de Chicoutimi. On parlait de cette rencontre-là. Moi, je te dirais que le score n'indique pas l'allure de la rencontre. Là. Il restait 8 minutes, je pense, à la rencontre, puis c'était encore 3 à 3. OK. Il y a eu des petites erreurs là, en fin de rencontre, parce qu'on n'était pas nombreux là, pour le match de vendredi soir là, contre les Saguenay. On était 6 attaquants et 5 défenseurs. Oh. Donc, ça a été plus dur un peu. Puis on a tenu le coup là, jusqu'en fin de troisième. Puis les reins ont cassé. Là, mais 6 attaquants, est-ce que c'est quand même. C'est un deux trios. Là, est-ce que c'est rare dans le junior aussi peu d'attaquants que ça? Bon, là, c'est sûr qu'on jouait tôt. La rencontre là, était à 7h30 là, à Chicoutimi. Donc les joueurs, il y en a beaucoup qui travaillent. Okay. Puis que, ils n'ont pas pu se déplacer là, pour la rencontre. Fait que, on avait fait ce qu'on avait à faire, puis on s'est quand même très, très bien défendu malgré cela. Puis je pensais qu'on allait les avoir à l'usure, mais finalement, c'est les autres qui nous ont eu. Là, on a manqué de jus, comme on dit. Mais Jason, dans l'ensemble, parce que t'es quand. Moi, honnêtement, je suis sûr que je regarde ça de très loin, là, mais je m'aurais attendu à plus de joueurs à Robertval. Il y avait un engouement dans la population, il y avait un engouement également des gens. On disait que peut-être que le fait que l'équipe allait déménager de Métabetchouan à Robertval, que ce serait plus facile d'attirer des joueurs. Puis là, tu me dis au mois de novembre qu'on a 6 joueurs. Je te pose la question, est-ce que c'est quand même décevant pareil? Oui, c'est décevant. J'avais des joueurs qui travaillaient, puis j'avais un joueur en plus qui était suspendu du dernier match. Donc, ça enlève des OK. Et au niveau des PA, est-ce que tu en as beaucoup? Oui, j'en ai, mais là, ils jouaient tout vendredi soir. T'sais, les joueurs midget là, jouent aussi en même temps que nous autres là, le vendredi. Fait que c'est plus difficile dans ce cas-là. Et en plus, tous les miens, ils jouaient là, en même temps. Puis en plus, cette année, il n'y a pas de mise en échec. Fait que quand tu arrives dans le junior, ça doit faire toute une différence aussi. Pour l'instant, c'est la plupart, là, c'est toutes les périodes qui arrivent du budget, toutes les dernières années. Fait qu'ils ont connu la mise en échec. Là, c'est pas comme. C'est pas nouveau pour eux autres. Maintenant, si on parlait de ce qui s'en vient en fin de semaine, quoi, vous allez jouer contre. Je vois les Aiglons d'Alma. Donc, ce ne sera pas facile. Les Aiglons sont au premier rang de la Ligue. Non. Par la suite, les Marquis de Jonquière. Comment tu vois ça? Ça va être une des grosses fins de semaine là, qu'on a à jouer. Les Aiglons qui sont premiers, qui ont une très bonne équipe. Puis les Marquis là, qui sont prêts à prendre à la légère, là, même si malgré qu'ils ont perdu les deux derniers matchs. Les Aiglons, dans le cadre, ce qu'il faut surveiller, j'imagine, bon, c'est des gars comme Alain Fortin, c'est des gars comme Philippe Girard, Charles Desgagnés, quoi. Les meilleurs, là, c'est Marc-François Bernier, le grand Côté. C'est des bons joueurs. Est-ce des joueurs là-dedans qui ont une expérience junior, majeure, ou junior 3, non? Non. Il y en a qui ont joué à collégial. Avec les Genois, effectivement. Ouais. Jason, on s'en reparle quelque part mercredi prochain. Voilà, donc, c'était le commentaire de l'instructeur-chef Jason Lajeunesse.